le respect de leurs droits, trahis par Ottawa, traités comme du bétail. Les métis n'ont plus le choix, il faut livrer bataille. Victoire à Rivière-Rouge et près de la Cocana, tous leurs espoirs s'écroulent à Batoche plus tard. Riel et fer au pied, écroué à Regina, coupable disent les jurés, Richardson sonne le glas. Parodie de justice dans le plus grand désordre, c'est la haine qui dicte la potence et la corde de la furie orangiste. Thomas Scott est le fiel, MacDonald le complice de la mort de Riel. Telle une cicatrice profonde qui la serre, la mémoire des métis que rien ne fera taire. Francophones de partout expriment leur colère, ils pleurent Louis Riel, assassiné hier. Du gibet de ce dernier ne reste qu'une estampe, à bout de corps d'un musée, la maison de ses parents. Et lui qui fut pourtant père du Manitoba doit encore aujourd'hui essuyer les coups bas, martyr pour les uns et traître pour les autres. L'histoire le portera en vainqueur face aux fauves. On le voudrait oublier, c'est qu'il dérange encore. Toujours controversé, plus d'un siècle après sa mort. Aquesta segona cançó que escoltàvem en el programa d'avui era d'Alexandre Belliard, es deia Riel, la cançó que acabaves de sentir a través del nostre programa de música en francès, així l'escoltàvem amb aquest personatge. Però bé, se m'ha fet a mans recentment un disc de Brousseau, que és del 2007, un disc que es diu Avedemont, i que també escoltarem tres cançons d'aquest àlbum prou animat. És aquesta la primera, després seguirà The Men and Co i Sans Frontières Sense Fronteres, el tercer tema que recordarem d'aquest disc des del 2007. Jamais faire parler les points. On cherche à mettre le doigt sur les mots. Les luttes d'aujourd'hui écrivent le monde de demain. On tente de se battre avec des mots. Essayez de ne jamais faire parler les points. On cherche à mettre le doigt sur les mots. Les luttes d'aujourd'hui écrivent le monde de demain. Amène un stylo, les actualités quotidiennes en ligne de mire. Feuille raconte nos colères, nos révoltes et nos sourires. Équipé de mes mots, besoin d'extérioriser des émotions qu'on peut contenir. Armé d'un stylo, continuer à l'ouvrir, ne pas trembler lors du tir. On relate tout haut ce que les gens pensent. On appuie les assauts qui mènent chaque jour ce combat. Clamer nos convictions par nos propres médias. Jusqu'aux oreilles des sourds n'agissant toujours pas. On tente de se battre avec des mots. Essayer de ne jamais faire parler les poings. On cherche à mettre le doigt sur les mots. Les luttes d'aujourd'hui écrivent le monde de demain. Oh yeah. Changer. Si le sang doit couler, suis-je prêt à renoncer? Laissons dès maintenant les armes de côté. On trouvera un autre moyen d'avancer avec des mots. Essayez de ne jamais faire parler les poings. On cherche à mettre le doigt sur les mots. Les luttes d'aujourd'hui écrivent le monde de demain. Oh yeah. Trouver des images pour animer le cri de nos rages, pousser nuages jusqu'à ce qu'explose l'orage. La clarté reviendra plus intense, purger nos passions, chasser l'obscurité de nos écrits, guidant nos actions. L'universalité nourrit la compréhension suprême. Notre message se construit pour améliorer les conditions humaines par des rimes, par des mélodies. Accompagner une réflexion citoyenne. Nous sommes ensemble ces grains de riz. Nous quand la machine souveraine. Avec des mots. Des mots. Avec des mots. Des mots. Avec des mots. Des mots. Avec des mots. Des mots. Avec des mots. Des mots. Ah, hey, yeah, yeah. On peut se battre avec des mots. Yeah, yeah. Essayez de ne jamais faire parler les poings. On cherche à mettre le doigt sur les mots. Les luttes d'aujourd'hui écrivent le monde de demain. On tente de se battre avec des mots. Essayez, essayez. On cherche à mettre le doigt sur les mots. Ça fait longtemps qu'on a choisi cette vie-là. Les jours se suivent. ensemble sur la route, le soleil se lèvera. Demain encore, tant que la musique groove et roule à cinq comme les doigts de la main pour affronter la houle. Cinq origines pour un même destin, droit devant on roule. Cinq sens pour un même chemin et le manège tourne. À chaque pas notre parchemin se déroule et roule à cinq comme les doigts de la main pour affronter la houle. Cinq origines pour un même destin, droit devant on roule. Cinq sens pour un même chemin et le manège tourne. À chaque pas notre parchemin se déroule. Ça fait longtemps qu'on a choisi cette vie-là. Les gens se suivent et ne se ressemblent pas. Ensemble sur la route, le soleil se lèvera. Demain encore, demain encore. Serait-il vraiment des coïncidences? Une histoire qu'on écrit sans en avoir conscience. Sans en avoir conscience. J'entrevois la lumière quand j'échange avec les gens. Du clin d'œil d'un papy au sourire d'un enfant. Réunir les générations juste pour un instant. Parler avec le cœur, c'est important. Ça fait longtemps qu'on a choisi cette vie-là. Les gens se suivent et ne se ressemblent pas. Ensemble sur la route, le soleil se lèvera. Demain encore, tant que la musique nous guidera. Ça fait longtemps qu'on a choisi cette vie-là. Les gens se suivent et ne se ressemblent pas. Ensemble sur la route, le soleil se lèvera. Déplacer sans me faire arrêter, sans problème d'identité, que je suis en train de manœuvrer bridé. Ce qui était ma maman, remonter et le rideau de fer pour creuser des fossés entre les communautés. Derrière un grillage sectaire, on ferme les yeux sur la pauvreté d'à côté. Des solutions par charter, combien de sans-papiers faut-il encore déporter? Je rêve de voir nos bras ouverts, essuyer les larmes de nos grosses familles rejetées. Je voudrais sillonner les terres du monde entier, comme c'était les rues de mon quartier. Je voudrais me balader sans me faire arrêter, venir aller sans problème d'identité. Je voudrais sillonner les terres du monde entier, comme c'était les rues de mon quartier. Je voudrais me balader sans me faire arrêter. Escalader les barbelés de la misère, hein, atteindre l'Eldorado que chacun espère, hein, fuir par les mers, les terres ou les airs, hein, devenir clandestin quand les taux se resserrent. Hey yo! Des bancards noyés dans le détroit de Gibraltar, des Africains escalés dans les cales d'un navire illusoire, des Cambodgiens morts de froid dans les sous d'un avion, des Arméniens spécés dans les remorques d'un camion. Des Européens enfermés par des terroristes, des Mexicains lâchés par des Américains égoïstes. Est-ce que vos enjeux politiques, vos richesses économiques, va toutes ces vies oubliées dans une morbide statistique? Oui, je voudrais sillonner les terres du monde entier, comme c'était les rues de mon quartier. Oui, je voudrais me balader sans me faire arrêter, venir aller sans problème d'identité. Oui, je voudrais sillonner les terres du monde entier, comme c'était les rues de mon quartier. Oui, je voudrais me balader sans me faire arrêter. Hey yo! Dénoncer ce genre de pensée qui se résume à une phobie de nerf de l'étranger comme d'habitude. Le nationalisme sans idée telle une enclume. Au fond du port qui reste loin, c'est cette attitude arrogante, ce manque d'hospitalité dont font l'étude les occidentaux parmi les qui je présume obsédés par leur insécurité. Quelle amertume de voir encore reculer l'humanité. Skibidiop, nanana, Skibidiop, Sabalia babo. Skibidiop, nanana, Skibidiop, Sabalia babo. Skibidiop, nanana, Skibidiop, Sabalia babo. Protagonistes en diversos a través del nostre espai, la música que ens acompanyava ara amb aquests minuts i que us hem portat amb la bona música de Brasil, que ens conduïa aquestes tres cançons que hem escoltat des d'aquest disc, que recordo des del 2007, amb el programa d'avui. Què farem ara? Doncs escoltar una sèrie d'artistes angloparlants, la majoria d'ells britànics, que ens han cantat cançons en francès, i ho farem escoltant, en primer terme, una britànica latina, Arena, que cantava aquell Dimois, però també escoltarem a Elton John amb duet amb Franz Gall, recordarem des del 1965 a Dusty Springfield, i des del 2007, això sí, mix entre anglès i francès, a la cantant canadenca Avril Lavigne i el seu gran èxit mundial, Girlfriend. Tot això comença ara mateix amb Tina Arena. Silence sur les toits et le temps dans le vent. La rue déserte, un chien gris blanc. Il avance, elle le suit. Il est son guide, c'est le chemin qui les porte. Il marche sur mon cœur jusqu'au bout de la rue. Je ne sais pas leur nom. Les noms de la beauté sont les noms de personnes. Tout le monde ne les voit pas, mais cela n'a pas d'importance. Ils sont inconnus. Les traits de la beauté sont les traits de personne. Usilan sur l'antaïdéti et Odan Pondouin. Pourquoi poser tant de questions? Pourquoi compliquer la simplicité? Dis-moi. Pourquoi

can see the way I see the way you look at me. And even when you look away, I know you think of me. I know you talk about me all the time, again and again. So come over here and tell me what I wanna hear. Better yet, make a girlfriend disappear. I don't wanna hear you say her name ever again. And again, and again, and again. Cause she's like so whatever, and she can do so much better. Tanquem aquest repàs que us dèiem, després d'haver escoltat aquesta versió, sí, en dos idiomes, francès i el corus en francès de l'èxit de l'Avril Lavigne, de la cantant de Belleville, a Canadà, Girlfriend, es deia. I és la versió que va fer Michael Jackson en francès del seu I Just Can't Stop Loving You, no veig pas al final de la nostra relació de nosaltres, que és el tema amb el qual continuarem amb el nostre espai d'Hola la Música. Et pour t'embrasser, La caisse du chat, rouille-toi sinon tu vas rater. Pierre Cangioli estopira. En arrivant dans la cuisine, je me suis dit tiens, un petit Ricard. Mais après mes 14 bibines, j'étais un petit peu dans le coltard. J'ai bu un grand verre de Pléline. Je me suis vautré dans la caisse du chat et dans le biberon de ma gamine. J'ai mis de la sure et du pastaga. La moralité de cette chanson, elle est super, ouais je veux. C'est que la télé c'est très dangereux et le football aussi un peu. Després de Michael Jackson, Reno ens aportava una de les seves cançons, el cantant parisenc, va néixer el 1952 amb aquesta gran villa i així ens cantava. Avui una artista que ve d'una família d'Algèria, de la regió de Mostaganem, la més jove amb una família de 8 criatures. És la primera vegada que l'escoltem amb el nostre programa. A més, era atleta. El 1989 va guanyar el títol de campiona dels 800 metres amb atletisme júnior de França. Seguim, doncs, amb Nadia. Així es deia aquesta noia que el 2004 ens portava cançons com aquest Parle-moi o sí. changer demain peut tout surprendre. Tu ne peux pas rester seule ici, jamais abandonner ta vie. Tu ne peux pas t'enfermer dans l'oubli, jamais tu ne supplies. Parle-moi de tes guerres, tes guerres. Parle-moi de parle tes droits. Parle-moi de ce monde qui te bat ton revent. Parle-moi de tes peurs. Parle-moi, je te crois, je te crois. Parle-moi de ton cœur, ton cœur. Parle-moi de tes droits, parle-moi de ce père qui te bat tant de fois. Parle-moi de tes peurs, parle-moi, je te crois. Parle-moi de ton cœur qui se meurt au combat. Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana del nostre espai d'Olala Música. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tota la música de la Nadia, en aquest cas amb la darrera cançó amb la companyia de Yanis. Des del 2004 ens acomiadem. Una abraçada i ben aviat tornarem a sentir música en francès aquí a la vostra emissora o a les xarxes socials. Com sempre, a reveure. J'ai envie de prendre les rênes de mon destin. J'ai choisi mon voyage, pas au hasard, mais à l'instant. Quand je décide de mettre en forme les images vues dans mes rêves, quand je construis mes lendemains et que ma sueur devient ma sève, alors ma quête a un sens. Je saisis le bon instant. Alors je marche vers l'infini. Il y a de la route, mais j'ai du temps. Quand je me pose quelques secondes, sereine face à la vie, et quand j'écoute mon fils qui me récite une poésie, j'aborde l'avenir confiante et j'oublie un peu les cris. Maktoub Yanis, tu verras, tout est écrit. Kimmel, Commander-in-Chief, Pacific Fleet, on deck! Far away from love.